Mauvaise graine, une série de François Perrache, librement inspirée des enquêtes d'Inès Leroux. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode, aux animaux, la guerre. Ici, à marée basse, il suffit de regarder les rochers se découvrir pour saisir que la surface des choses n'est souvent qu'un mensonge. Même quand tout semble lisse, on finit par douter. J'ai vu ici des choses si extraordinaires que j'ai parfois l'impression de rapporter des légendes d'un monde inconnu. La première fois que j'ai rencontré Serge Le Guédec, j'ai cru qu'il a fabulé. Ce que me racontait ce syndicaliste breton sur l'agro-business local n'était pas possible, pas en France, pas au XXIe siècle. Je m'en suis d'ailleurs ouvert à lui beaucoup plus tard, il est parti d'un grand éclat de rire. Le jour de notre rencontre dans le bar, t'avais l'air tellement éberlué par ce que je te racontais, t'ouvrais des yeux si grands que j'ai préféré pas en rajouter. Et pourtant, j'en ai vu depuis, des choses qu'on renonce à raconter de peur que les gens cessent de vous croire. Croiriez-vous qu'en des temps pas si lointains, on donnait à boire de l'eau de Javel aux veaux pour blanchir la viande juste avant de les emmener à l'abattoir ? Un vieux paysan avec une pointe de remords dans la voix me l'a dit. Je tairai le nom d'un sous-préfet de la République dont les locaux venaient d'être saccagés par des représentants du principal syndicat agricole qui m'a avoué, penaud, qu'il ne resterait pas 5 minutes en poste s'il portait plainte. Mais il y a bien plus incroyable que tous ces petits et grands secrets gardés dans l'ombre. Il y a les faits. Exposé au grand soleil, à la vue de tous. Voulez-vous tenter l'expérience ? Chaque vacancier peut voir ici l'été des panneaux municipaux officiels interdisant l'accès de certaines plages aux chiens, sous prétexte qu'ils risquent de souiller le sable de leurs excréments. Alors que tout le monde sait, ici, tout le monde sait que si les chiens sont interdits de séjour, c'est parce que ces pauvres bêtes meurent lorsqu'elles respirent trop près du sol les émanations invisibles de sulfure d'hydrogène émanant des algues toxiques qui prolifèrent à cause de l'utilisation incontrôlée des nitrates. Voilà un fait. En voulez-vous un plus extraordinaire encore ? La Bretagne, avec son ensoleillement légendaire, est la première région européenne de production de tomates. Lorsque j'ai lu cette information dans la presse, j'ai dû me la répéter à haute voix. La Bretagne est la première région européenne de production de tomates. Après ça, on se dit que plus rien ici ne pourra vous étonner. Et pourtant... Oui, bonjour. Bonjour, désolée, hein, je passe un peu tôt. Ah, bah ouais, carrément, merde, t'es encore en pyjama. Oui, mais... Morgane, enchantée. Non, pardon de passer à cette heure-là, vraiment, mais je viens de finir la traite et je fais le reportage sur Ostronin. Et comme ta maison était sur la route, c'est Serge qui m'a donné ton adresse. Dis donc, j'ai lu ton article pour le procès de Christophe Guillou, mais c'est génial. Non, j'adore. Je vis à Ploumel depuis 18 ans, j'en connaissais pas la moitié sur la COP. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as des couilles, hein. Non, c'est dément, vraiment j'adore, hein. Faut qu'on se parle. Hein. J'ai des tas de trucs à te raconter. Vous avez dit que vous partez en reportage parce que vous êtes journaliste aussi, vous connaissez Serge ? On peut se tutoyer. Hein. Bah, Serge connaît tout le monde et je connais tout le monde, alors oui, avec Serge, on se connaît. De toute façon, tout le monde connaît tout le monde ici. Hein. Je suis journaliste, ouais. Journaliste animatrice, en fait. Agricultrice aussi, assistante sociale, des fois, mère de famille. Je bosse à la radio locale à Ploumel. Vous... Et puis je suis conseillère municipale, dans l'opposition évidemment. Enfin, je te raconterai. Tu veux du café ? Ah non, ça par contre, j'ai pas le temps. Je passais juste pour te donner ça. Tiens. Je me suis dit que ça t'intéresserait. Tu peux dire que ça vient de moi, je m'en fous, j'assume. C'est un mail que Copagraine a diffusé en interne à tous ses salariés suite à ton article, et ça fait du monde, hein. Il y a 300 sites sur toute la Bretagne. Je l'ai obtenu par un copain de copain. Tu vas voir, il t'adore déjà. En tout cas, chapeau, t'attaques fort. Ok, bah merci. Et Morgane, c'est ça, on essaie de se voir bientôt, donc. Morgane, ouais, enfin sans E à la fin. Et large, comme large. Morgane, large. Morgane, c'est le nom d'une bière locale. Or, quand je vais au pub, comme le patron anglais, il me fait toujours la blague de me servir une pinte de bière dès que j'arrive. Donc, Morgane, comme la bière, est large, tu vois, en anglais. Enfin bref, t'as compris. C'est l'humour anglais, mais bon, comme ça, tu te souviendras. Je pourrais te filer mon numéro, mais souvent, je traîne dans des coins où ça passe pas. Mais si tu veux, je peux repasser cet après-midi. Cet après-midi, je peux pas. Ah, bah oui, c'est vrai. Serge m'a dit, vous retournez chez Laurent Roussel, c'est ça ? Bah toi, bah passe chez moi, demain matin, tu peux ? Ça te dirait d'assister à une traite ? Tu sais, tu peux apprendre à traire, hein. Franchement, si tu veux écrire sur les paysans, faut que tu fasses la traite au moins une fois dans ta vie. Demain matin ? Allez, demain matin, tu viens pas trop tard, disons 8h ? Mais je peux... Allez, 8h30 si tu veux, mais pas plus tard, hein, parce qu'après, elle gueule, hein. Il y a les veaux qui réclament. Donc, pour venir, c'est pas compliqué, à Ploumel, quand t'es devant l'église, tu prends la rue qui descend un peu raide à la rivière, et là, tu vas tout droit. Au bout d'1 km, à la fourche, tu prends à gauche, Et là, c'est tout droit, tu peux pas te tromper, c'est la seule ferme au bout du chemin de terre, juste avant la rivière. Bon, au pire, tu demandes Morgane dans le village, ils seront indiqués. Puis alors, bon courage hein, pour cet après-midi, parce que Roussel, il a son petit caractère. Hein. Mais c'est un mec bien. Hein. Serge m'a dit que t'étais déjà allée le voir toute seule et qu'il t'avait jeté. Tu m'étonnes. Lolo, il est raide. Hein. Mais c'est un chouette mec, têtu comme un breton. Et ce qu'ils lui ont fait, c'est dégueulasse. Bon, tu me raconteras. À demain. Salut Inès, Kenavo, et enchantée. Enchantée. Entre, Yann, entre. Je profite que tu sois au siège pour valider un mail interne avec toi. Ça va partir à toute la boîte avec la signature du boss, mais comme le problème vient de ton site, on voulait aussi ton avis. Donc, je te relis. Tu me dis si ça te va ? Je te passe le blabla d'intro. Voilà. Cet article de la journaliste Inès Leroux repose clairement sur un parti pris contre le groupe Copagraine et plus largement contre l'agriculture bretonne, à travers une présentation des faits inexacte et partiale. Très bien. Devant la gravité des attaques et la poussée médiatique portant atteinte à l'image du groupe, nous ne souhaitons pas alimenter de vaines polémiques, mais nous mettons en place un plan d'action adapté. Il s'agit de répondre de manière factuelle afin d'être audible. Nous prévoyons ainsi de mettre en place une communication positive, montrant en toute transparence nos pratiques actuelles, notamment en matière de stockage de céréales, de nutrition animale et de produits phytosanitaires. Nous devons en effet plus que jamais nous montrer exemplaires et regagner la confiance des médias et de notre environnement. Pour ceux d'entre nous, et ils sont nombreux, qui ont été heurtés par cet article, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. C'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter via votre hiérarchie ou en contactant le service communication. Soyez convaincus que la santé et la sécurité des salariés au travail sont nos premières préoccupations. Nous n'avons pas à rougir de la façon dont nous travaillons au sein du groupe et avec les CHSCT, nous continuerons à progresser dans cette voie. Je sais que je peux compter sur vous pour qu'ensemble, nous rebondissions positivement suite à ces mises en cause partielles. C'est bon pour toi, Yann ? J'envoie ? Oui, parfait. C'est parti. Ah, quoi encore ? Voulez-vous vraiment envoyer à l'ensemble du groupe salarié Copagraine 4815 destinataires ? Bah, oui. Yann, ok ? Oui. Prends ça dans les dents, Elise, tu sais. L'école chic. Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Tiens, Serge, tu peux faire le service ? Ouais. Non, je lui dis, mais ça doit être encore chaud. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous voulez un café aussi ? Volontiers. On fait ça vite, dans une demi-heure, je retourne aux bêtes. Hein. Oui, oui. Ça devrait suffire pour un premier contact. Deuxième contact. Serge, j'y connais déjà, mais pour vous, je vous ai ressorti mon classeur avec toutes les infos du troupeau. Génial. Génial, je sais pas. Hein. Surtout des emmerdes. Il y a toute la paperasse. Hein. Je garde tout. On sait jamais. Oui, t'as raison. Surtout maintenant. Vous pouvez y aller. Il y a l'inventaire des bêtes. Il y a le bon d'insémination, le bouclage pour chaque veau, tous les aliments, les papiers de traitement, la prophylaxie, les vaches qui sortent, le certificat d'écarissage, les analyses, enfin tout quoi. Vous pouvez tout regarder. J'ai rien à cacher, moi. C'est super. Il y a plein de trucs. C'est énorme. Ce serait possible de vous l'emprunter quelques jours pour avoir le temps de le lire chez moi ? Non, non, non, non. Inès. Ce classeur, il sort pas de ma ferme. Bien sûr. Ok, ok. Et vous pouvez prendre des photos. Si Serge vous fait confiance, je vous fais confiance. Merci, Laurent. Merci. Et puis encore désolé pour l'autre fois quand je suis venu ici sans prévenir. Ouais, c'est fait, c'est fait. J'aime pas trop les gens qui débarquent chez moi, là, sans demander. L'assureur, les gars de la mairie, la COP. Les visites, quand c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est des ennuis. Alors, les journalistes de Paris, pas besoin de ça. Hein. Je suis pas de Paris. Je me suis installée ici depuis un an. Comme je te disais, Inès, elle a fait un beau boulot pour le procès de Christophe Guillou. Et donc, elle pourrait aussi nous aider dans ton dossier. Moi, tout seul, je peux rien pour toi, Lolo. Je te l'ai déjà dit. Si ton syndicat a refusé de te défendre, c'est pas moi, avec un syndicat extérieur, qui vais gagner. Hein. Je vais chercher d'autres appuis syndicaux dans le milieu agricole. Et on va travailler en réseau. Mais la seule façon qu'on aura de te faire gagner, c'est de médiatiser ton affaire. Mais on vous pousse à rien. Parce qu'il y a toujours des risques. Et je sais que c'est pas évident d'exposer sa situation. Parfois des éléments de sa vie privée. Ce qu'on veut, c'est expliquer carrément à Coppagren ce qu'on va faire, et s'ils sont un peu intelligents, ils vont comprendre que ça va leur coûter très cher en termes d'image s'ils continuent à refuser de t'indemniser. Et cette fois, ça peut marcher. Le procès Guillou, ça les a fait réfléchir. Ça fait des années que ça traîne. Et c'est vrai que de voir que ça a marché pour Christophe, ça me donne un peu le courage pour essayer de me battre à nouveau. Je suis pas encore convaincu. J'en ai parlé avec une avocate qui pourrait reprendre ton dossier depuis le début. Elle s'appelle Françoise Laforge. C'est elle qui a défendu Christophe Guillou. Mmh. Et qui a gagné. Ouais. Non, mais je l'ai vue à la télé. Elle a l'air bien. Mais je peux plus payer, moi. J'ai déjà le couteau sous la gorge. Elle prend une commission seulement si elle gagne. C'est légal, ça ? On s'arrange. Et elle peut gagner dans ton dossier, Laurent. Je lui ai raconté ton cas vite fait. Elle est scandalisée. C'est dégueulasse ce qui t'est arrivé. Elle pense qu'on peut gagner. Mais ce sera encore très long. Et vous pouvez perdre. Perdre ? Ah non. J'ai plus rien à perdre. J'ai perdu mes bêtes. Je me suis battu pour rien. J'ai tenté une procédure judiciaire qui est au point mort depuis des années. L'assurance veut même pas m'indemniser. Pourquoi ? Toujours pareil. L'assureur de Laurence et l'assureur de Coppagren. Alors, entre un gros client et un petit éleveur... On a tous le même assureur, tous la même banque. Ils nous tiennent tous. Mais est-ce que vous voulez bien me raconter votre histoire ? J'ai déjà tout raconté à Serge, il connaît par cœur. Et il m'a raconté votre histoire, mais j'aimerais bien entendre votre version. Vous voulez bien me redire l'essentiel ? Ah ben... L'essentiel, c'est simple. J'avais un troupeau de 240 vaches, lait et viande. Un jour, je me fais livrer 2,5 tonnes d'aliments blancs. Par Coppagren ? Il n'y a qu'une coopérative dans le pays. Mmh. Ils tiennent tout. Et aliments blancs ? Ça veut dire rien que de l'aliment, pas de médicaments dedans. Voilà, c'est ce que je croyais. Sauf que 3 jours après, mais c'était déjà trop tard, quand j'ai ouvert mon silo, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Normalement, le granulé, il est marron. Et là, il y avait mélangé des granulés verts. J'appelle la COP, un technicien de chez eux me dit que c'est peut-être une erreur, que ça ressemblerait peut-être à de l'aliment pour lapin, avec des antibiotiques. Mais, premier problème, c'est moi qui ai dû dire à la COP de suspendre la collecte de lait le temps de faire les analyses. Au bout de quelques jours, Coppagren revient collecter mon lait. Le technicien me dit que je m'inquiète pour rien, qu'à son avis, il n'y a pas d'antibiotiques, mais qu'ils vont quand même faire une analyse et il repart avec un échantillon. Sauf que moi, je vois bien. Je le connais, mon cheptel. Je vois bien. J'ai des bêtes qui ont la diarrhée. La production de lait s'écroule. Et après, sur plusieurs mois, j'ai commencé à avoir de la surmortalité, des avortements. Et à la fin, mes bêtes, elles avaient des écoulements de sang par les naseaux. J'ai jamais vu ça. J'ai pris des photos. J'ai tout mis dans le dossier. Regardez. C'est normal, ça ? C'est horrible. Je voyais bien que c'était pas normal. Ça me faisait peine. Je suis un agriculteur, ni meilleur ni pire qu'un autre. J'aime mes bêtes. Alors j'ai fait faire des analyses par un labo à moi, sans le dire à Coppagren, parce qu'ils aiment pas qu'on les contredise, hein, même si on s'y connaît mieux qu'eux. Voilà. Alors, l'aliment, c'était du Turbo Rabbit Maxima. C'est marqué là, noir sur blanc. C'est de l'aliment pour lapin, ça. Avec des antibiotiques, des médicaments. Donc ça passe dans le lait ? Et dans la viande ? Ça entre directement dans le circuit de consommation humaine. Plus tard, j'ai fait faire d'autres analyses approfondies, toujours payées de ma poche, avec prélèvement par huissier, hein, et tout. 6 antibiotiques différents, il y avait, en fait. Alors que sur le produit d'aliments pour lapin, ils en indiquent que 2. Ça veut dire que non seulement mes vaches, elles auraient jamais dû manger d'aliments pour lapin, évidemment, mais le produit, il est même pas conforme pour les lapins. C'est dingue ! Ils ont tué mes bêtes. Parce qu'il faut savoir que le système digestif des bovins, c'est très fragile. On peut pas leur donner n'importe quoi. Je ne sais pas si vous y connaissez un peu en élevage. Mon père était vétérinaire dans le Maine-et-Loire, mais... Ah bon ? Oui, mais il a arrêté il y a longtemps. Il s'est reconverti dans les lapins angora. Dans ? Il était véto en ville, votre père ? Non, je crois bien qu'il travaillait sur des troupeaux. Mais maintenant, il est à la retraite. Bref, moi non, j'y connais rien en élevage. Il était véto, votre père. Décidément, on a tout pour s'entendre. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je les aime pas beaucoup. Ils sont censés nous aider à soigner les bêtes, et des fois, on se demande s'ils font pas exprès de les empoisonner. Celui de la COP, là, il a essayé de m'embobiner sur les analyses. C'est-à-dire ? Quand j'ai commencé à avoir des doutes sur l'aliment et à demander des analyses, Coppagren a fini par m'envoyer un vétérinaire maison de chez eux pour m'expliquer que les analyses étaient OK et que c'était pas la peine de les montrer. Il voulait pas me les montrer. Il les avait, il voulait pas me les montrer. C'est mes bêtes quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des analyses moi-même, sans leur dire. Mais c'est pas juste de la négligence de leur part ? Ce qui serait déjà très grave. Vous pensez qu'il avait les analyses et qu'il vous a menti délibérément, ce vétérinaire? Évidemment. Le gars avait l'air pas à l'aise, une espèce de faucheton. Vous vous souvenez de son nom? Le véto? Bah, j'ai dû garder sa carte, je garde tout. Ben voilà. Guibora, il s'appelait. Guibora? Copagraine, Éric Guibora, vétérinaire conseil. Comment vous dites? Excusez-moi, on peut se... relisez le passage que je viens de commenter, j'arrive. Et n'en profitez pas, je reste à la porte. Ça va? Ouais, super. Comment il s'appelle le mari Veto de ta collègue qui nous a invités? Quoi? Ta collègue prof d'espagnol qui nous a invités à leur soirée pourrie, là, le mois dernier, avec la sangria dégueulasse. Sylvie? Oui, un truc comme ça, c'est quoi son nom de famille? Elle a bien un mari Veto, comment il s'appelle? Attends, tu viens au lycée pour me demander... Et déjà, comment t'as réussi à entrer? Moi, j'ai embrouillé le gardien. Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce que t'as une collègue qui a un mari vétérinaire et qui s'appelle Éric Guibora? Quoi? C'est quoi le nom de famille de cette Sylvie? Guibora? Oui, elle s'appelle Guibora. Je crois bien que son mec s'appelle Éric, je l'ai croisé deux fois et... Peut-être qu'il est véto, je sais pas. Génial! Et surtout, là, tout de suite, j'en ai rien à carrer, Inès, je suis c'est génial! Le soir de la sangria, je m'emmerde et toi, tu danses encore avec je sais pas qui. Je suis allée fumer sur leur balcon. Le mari de ta copine, le Éric, là. Mais il vient fumer à côté de moi. Je lui ai demandé son métier, comme ça, juste pour le faire la conversation. Et là, il me dit qu'il est vétérinaire chez Copagraine. Mais je m'en fous, là, Inès, je suis sur Spinoza et la nature. Moi, je lui dis que je suis en train d'enquêter sur sa boîte, carrément. Et là, il commence à être gêné. Il bafouille, il me dit que lui, il bosse pas du tout sur de l'opérationnel avec les agriculteurs, mais qu'il est au siège, à Landerneau, sur des projets de recherche de long terme autour des aliments pour animaux... à base de bio et de plantes aromatiques ou je sais pas quoi. Bref, sur le coup, j'ai pas insisté, j'ai pas fait le rapprochement, ça m'a pas du tout intéressé. Moi non plus. Sauf que l'éleveur que je viens de rencontrer, il me raconte que quand il a reçu du grain pourri pour ses vaches, Copagraine lui a envoyé un vétérinaire maison pour essayer de l'enfumer sur les résultats de l'analyse du laboratoire. Et devine le nom de ce véto. Spinoza. Guibora. Éric Guibora, le mari de ta collègue. Faut absolument que je puisse lui parler. Mais surtout, pour l'instant, tu dis rien à ta collègue. Promis, j'ai rien compris. Allez, salut, à ce soir, tu fais vraiment chier. Attends, t'as pas ton portable sur toi? J'ai essayé de t'appeler, mais tu répondais pas. Mais évidemment, je réponds pas, je suis en cours, Inès. Mais est-ce que tu l'as sur toi? J'ai besoin que tu me files les coordonnées de ta copine, celle qui est photographe. Qui? Mais de quoi tu parles? Mais si, on était allé voir son expo à Rennes, une super expo, une fille très sympa, avec un prénom hyper breton. Mais plus breton, tu meurs. Gwenaëlle, Maëlle. Chouchen, quelque chose comme ça, quoi. Chouchen? Rosen? Oui! Rosen, envoie-moi ses coordonnées par SMS tout de suite, s'il te plaît, faut que je l'appelle tout de suite. J'ai une idée, j'ai un service hyper important à lui demander. Rosen? Mais tu lui as parlé une fois? Non, je t'explique ce soir, merci. On m'attend pas pour dîner, je vais à Saint-Brieuc au tribunal essayer de comprendre pourquoi le dossier de Laurent Roussel traîne depuis des années. Envoie-moi le numéro de Rosen tout de suite, et surtout, tu ne dis rien à l'autre pour la soirée sans rien. C'est génial! C'est génial! Normalement, je suis pas censé vous répondre, mais bon, puisque vous avez fait le déplacement et que vous êtes charmante. Merci, monsieur. Alors, redonnez-moi le nom du plaignant. Roussel. Laurent Roussel. Roussel. R-O-U-2-S-E-L. Oui, oui. Alors, Roussel. Ah. Voilà. Donc, je crois que j'ai quelque chose. Appelant Roussel Laurent, intimé société Copagraine. C'est ça. Vous pourriez me dire la date de... Ouais. Alors, le dernier événement que nous a... Alors, il y a eu une enquête à Guingamp qui est revenue en date du 1er septembre de l'année dernière. Et ensuite, ça a été redonné au magistrat qui a ordonné l'enquête. Depuis, on n'a pas de... J'ai pas de suite. Et ça veut dire quoi? Là, il n'y a toujours pas de juge d'instruction qui est nommé? Non. Et la plainte a été déposée il y a combien de temps? Alors, je vais te voir, 10, 11, 12, 13, 14, ça va faire 6 ans. 6 ans? Et la justice française. Je peux pas vous en dire plus. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est lent. Et ça arrive souvent que ça soit en sommeil comme ça? Ah, ça peut arriver, ouais. Allez, la preuve, ça arrive. C'est dû à quoi? Parce que c'est une affaire importante quand même. Je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, je suis fonctionnaire au bureau d'ordre, hein. J'enregistre les plaintes, je transmets aux magistrats. Après, c'est eux qui sont souverains dans leurs décisions. Nous, on a fait tout ce que les magistrats nous ont demandé de faire, c'est-à-dire faire partir en enquête, réceptionner l'enquête. On a fait l'orientation de la procédure au magistrat, qui est compétent dans ce genre de contentieux. Après, 1er septembre de l'an dernier, ça lui a été retransmis. Après, il n'y a plus rien. Et vous pensez qu'il y a une tension au niveau de l'agroalimentaire en Bretagne? Ah, ouais, je peux pas vous dire, hein, je sais pas. En plus, j'ai un droit de réserve, hein, je peux pas trop vous parler, donc... Moi, je peux juste vous dire de vous adresser directement au magistrat, faire un courrier, voir si on peut vous donner des éléments. En tout cas, là, sur la machine, je vois, il n'y a pas d'instruction en l'état du dossier. Donc, je peux pas vous dire si le magistrat il travaille dessus, je sais pas. Et en général, le juge d'instruction, il est mandaté sous quel délai? Ah, mais il n'y a pas de délai. Il n'y a aucun délai. Parce que là, on va dire que ça fait long. C'est vrai que ça fait long, mais il n'y a pas de délai. On ne sait pas du tout. Ça peut partir en enquête, revenir d'enquête, repartir indéfiniment. Et vous êtes là depuis longtemps, vous? Ou en Bretagne? Non, moi je suis là depuis un peu moins d'un an. Et en arrivant ici, vous avez l'impression que la justice en Bretagne, elle fonctionne bien? Parce que j'ai l'impression que les dossiers de l'agroalimentaire, ça ne sort jamais en Bretagne. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas de la région, donc... Ah bon? Ah oui, peut-être, j'entends comme un petit accent. Vous êtes d'origine corse, non? Non. Ah bon? Pardon, j'aurais cru que... Non, je ne suis pas d'origine corse, je suis corse. Ah oui. Et ça vous a pas frappé en Bretagne que les affaires autour de l'agroalimentaire traînent comme ça, ici? Moi, je trouve ça étonnant. À Bonifacio, on ne s'étonne pas facilement. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, on en voit... Enfin, je sais que c'est une région qui est très agricole. C'est presque un peu comme le grenier de la France. Il y a beaucoup d'emplois dans l'agroalimentaire. Ça nourrit le pays, quoi. Donc forcément, il y a de l'emploi, donc toute la chaîne qui s'instaure derrière. Mais bon, c'est vrai que là, votre dossier Roussel, il est en sommeil depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour Rosane, c'est Inès Leroux à l'appareil, la copine d'Alice. On s'est vu une seule fois, on était venu voir ton expo à Rennes. Je viens de regarder ton site de photos avec notamment le portfolio sur l'agriculture bretonne. C'est magnifique. Et ça correspond tout à fait à ce sur quoi je bosse en ce moment. Bon, je t'expliquerai, mais est-ce que tu pourrais me rappeler dès que tu as ce message, s'il te plaît? Je sais pas si tu te souviens, je suis journaliste et là j'enquête sur une boîte qui s'appelle Copagraine, que tu connais sans doute. Et le problème, c'est qu'ils refusent absolument de me rencontrer, mais je pense qu'ils savent pas à quoi je ressemble. Il y a quasiment aucune photo de moi sur Internet, donc j'aurais bien tenté un truc, mais j'aurais besoin, si t'es ok, de ta complicité. En fait, j'aurais besoin de me faire passer pour toi. Eh bien, merci de votre temps. Merci à vous de votre intérêt et d'être venu jusqu'à Landerneau. Je m'étonnais un peu de vous voir arriver sans votre appareil photo. Mais... Oui, mais comme c'était un premier contact, je D'accord. l'ai pas. Et puis, je vous le dis à cette occasion, mais on cherche régulièrement des jeunes talents, des nouveaux photographes pour collaborer avec Copagraine Magazine, donc si ça vous intéresse. Parce que avant de vous recevoir, j'ai regardé évidemment, mais un peu vite, votre site web. Et c'est très beau ce que vous faites. Bravo. Vous pouvez me renvoyer l'adresse par mail? Oui. C'est tout simple, c'est mon nom, c'est www.rosenkerrephoto.com, tout attaché, sans accent, et photo au pluriel. Tout attaché, parfait. Eh bien, bonne journée Rosen, puis bon retour. Merci, excusez-moi, j'aurais une toute dernière question, transmise par une amie journaliste. Ah. Je peux vous la poser? Faut qu'elle m'appelle elle-même, votre amie, ce sera plus simple. Comme elle savait que je vous voyais aujourd'hui, je me dis que c'est l'occasion de... Bon. Eh bien, dites toujours. Merci. Donc, en tant que directrice de la communication de Copagraine, quelle est votre réaction concernant le verdict dans le procès de Christophe Guillou? Pardon? En tant que directrice de la communication de Copagraine, quelle est votre réaction? Non, j'avais bien compris, Rosane. Qui est-ce qui vous a transmis cette question? Une amie journaliste. Écoutez, Rosane... Vous êtes charmante, vraiment, mais si je peux me permettre, je crois que vous vous êtes fait manipuler par votre amie. C'est qui cette amie, dites-moi? Une journaliste qui a appris que j'allais vous rencontrer et qui m'a demandé d'en profiter pour vous poser cette question. Bon, Rosen, je crois que je la connais, cette journaliste. une fille très agressive qui nous harcèle depuis des mois. Elle n'est même pas d'ici. On refuse de la recevoir et c'est normal, étant donné le traitement qu'elle nous réserve. Donc elle veut passer par la porte, par la fenêtre, par la chatière. Elle s'est servie de vous, Rosane. C'est une fille mal intentionnée et elle est capable de tout. C'est une journaliste de Paris, je me trompe ? Rosane, qui est-ce qui vous a demandé de faire ça ? Je préfère pas dire son nom. Alors je vais le dire, moi. Elle s'appelle Inès Leroux et c'est une ennemie de la Bretagne et des agriculteurs. Mauvaise graine. Une série de François Perrache, librement inspirée des enquêtes d'Inès Leroux. Troisième épisode. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je me refais griller une tartine, t'en veux une ? Non, j'y vais, là, je prendrai un café croissant en face du lycée. Mais il est vachement tôt. C'est la poste ? Déjà ? J'espère que c'est enfin ma carte, ça fait une semaine que je peux plus retirer d'argent. Inès, là, t'as pas vu mon chargeur de portable, là, c'est pas possible. Ah si, désolée, sur mon bureau, je savais plus où était le mien. Putain, Inès. J'ai dit désolée. Tu peux pas aller voir si c'est ma carte, s'il te plaît? Mais je pars bosser, là. Mais moi aussi, je bosse, c'est juste que je suis encore en pyjama et t'es habillée. Tu peux pas juste aller voir si c'est ma carte, s'il te plaît? C'était pas la poste. C'était qui ? Une grosse bagnole. Comment ça ? Mais je sais pas, un gros 4x4 blanc, genre bagnole de dentiste ou de dealer. J'ai juste eu le temps de le voir partir, j'ai pas vu sa tête. Et il t'a laissé du courrier, mais je pense pas que ce soit la banque. Tiens. T'es quoi ? Ça va ? Copie d'un dépôt de plainte de Copagraine. Pour diffamation et usurpation d'identité. Ah merde. Désolée. Tu devais t'y attendre, non ? T'as l'air hyper... Bon, Inès, une plainte, ça se gère, ouais, c'est pas non c'est plus... C'est pas la plainte qui m'inquiète, c'est leur méthode. Mais des plaintes, t'en as déjà eu, ça va aller. Sauf que la règle, c'est que les mécontents déposent plainte contre l'employeur ou contre l'éditeur. Pourquoi ? Là, ils s'attaquent directement à toi ? Une plainte à mon nom, déposée à 7h30 du matin par un inconnu ? Et dans ma boîte aux lettres perso, alors qu'officiellement, je suis encore domiciliée à Paris et que j'ai donné cette adresse à personne. T'es gauchère ? Attends, mets-toi accroupie, tu seras mieux. Alors, faut que tu caresses vraiment. Ton pouce doit pas bouger, c'est ton index qui glisse le long de la tétine. Alors, quand tu sens que c'est sec, tu changes de mamelle. Attention ! Attention de pas te prendre un coup de sabot, qu'elle renverse pas le seau. Oh, mais ça finit jamais, il y a énormément de lait dans cette mamelle. Ah bah, ce rythme-là, on y sera encore à 9h. Bon, faut que je parte au boulot, moi. Tiens, hop, pousse-toi, je vais finir. Tu m'épates. Moi, j'y arrive pas du tout. Bah, si, de mieux en mieux. Tu peux pas tout bien faire, Inès. Les enquêtes, la traite. Et dis donc, justement, j'ai vu ton portrait dans Télérama. Je suis pas abonnée, faut pas déconner, le premier cinéma à 1h d'ici. Mais on m'a fait suivre l'article sur toi. Classe. Tu sais que c'est la première fois que Copagraine réagit publiquement à mon travail ? Ils ont partagé l'article sur Facebook et ils ont écrit... Ça m'a marqué. Vous découvrirez dans cet article très flatteur qu'elle a fait des études de cinéma et qu'elle construit ses documentaires comme des fictions. Franchement, je le prends comme un compliment. Bah, en tout cas, cette fois, je crois qu'ils t'ont bien identifié. Parce que quand même, dans le coup de l'usurpation d'identité pour pouvoir leur parler, même moi, j'aurais pas osé. Peut-être gonfler. J'ai découverte. Dans ce genre de situation, c'est pas le nom du journaliste qui compte. La seule obligation, c'est de citer le journal pour qui on bosse. C'est ce que j'ai fait. Quand ils ont découvert le poteau rose, ils ont dû être fumasse. Maintenant, entre Copagraine et toi, c'est la guerre. La guerre de communication, disons. Serge veut profiter du succès dans l'affaire Guillou pour leur foutre la pression avant le procès logophique. Je vais rencontrer sa veuve demain avec Serge, on va faire feu de tout bois. L'avocate prépare sa plaidoirie, je fais mes articles, Serge monte des comités de soutien autour de l'affaire Roussel, tout est lié. C'était comment d'ailleurs la conférence de presse chez Laurent ? Bien, on aurait aimé qu'il y ait plus de monde. Mais Serge a réussi à faire venir tout un collectif d'associations sur la ferme. Il a fait raconter par Laurent l'empoisonnement de ses vaches, les aliments pour lapins, les analyses que Copagraine voulait pas transmettre. Le procès, c'est pas pour demain, mais c'est bien qu'on parle aussi de Lolo. Ça a dû lui faire bizarre, un troupeau de journalistes sur sa ferme. On n'était pas très nombreux, malheureusement. Ah bah, pas besoin. Ils sont tellement neuneux dans le camp d'en face, ils sont tellement flippés, que c'est eux qui vous font votre pub. Franchement, faut qu'ils soient cons pour organiser un truc moisi comme leur pseudo-manif spontané d'hier. Ça devait être assez folklore. J'aurais adoré y être, j'espère récupérer des infos. Je suis allée, moi, à leur manif. Quoi ? Tu Tu t'es pointée chez Copagrène sur le site de Ploumel? Bah, elle était publique, leur manif. C'est à côté de chez moi, pourquoi j'irais pas? Et tu dis que je suis gonflée. C'était comment? Comique. Triste, en fait. Pour les employés. Quand je suis arrivée sur place, il y avait une petite trentaine de salariés, pratiquement que les intérimaires, ceux qui ont peur de perdre leur boulot. Ils tenaient chacun dans leurs mains une lettre de l'alphabet écrite en énorme sur des feuilles blanches que leur avait imprimée la direction. Et là, t'as Coisin, le DG du site, qui leur a dit de se mettre en rang d'oignon et il les a rangés comme des gamins à l'école pour former la phrase « Copagrène, c'est nous ». Non. Je te jure. Et à la fin de leur manif, Coisin, il a tapé dans ses mains et il leur a dit à tous texto « Allez, les enfants, on rentre ». Non. Tu vois la spontanéité du truc. Ça empêchera pas toute la presse locale de sortir des papiers aujourd'hui pour dire que les salariés défendent leur emploi. Oh, j'ai rien lu encore, ça va me déprimer. Les correspondants locaux, ils ont pas le choix, ils vont pas mordre la main qui les nourrit. En tout cas, ça faisait vraiment minable. Ça a duré 10 minutes chrono, le DG a annonné péniblement un petit discours qui avait dû lui pondre le siège. C'est là où je dis qu'ils sont cons, ils font votre publicité. Coisin, il vous a pas nommé explicitement dans son discours, mais il a parlé de toi, il a parlé de Serge, il a même parlé de Laurent. Et tu te souviens de ce qu'il a dit exactement? Exactement, non, mais j'ai filmé. Merci à tous d'être venus soutenir votre entreprise qui est vraiment attaquée de tous les bouts. Je vais vous lire un petit peu le message qu'on a décidé de vous faire passer. Les agriculteurs et les salariés de Copagrène sont nombreux à avoir exprimé leur tristesse, leur ras-le-bol et leur colère face à de nouvelles actions de dénigrement contre leur coopérative. Il y a deux jours, un collectif de soutien aux victimes des pesticides organisait une conférence de presse chez un éleveur en litige avec Copagrène au sujet d'une erreur de livraison d'aliments. Alors que les analyses ont montré que le lait était conforme, ce collectif dénonce un scandale sanitaire. Cela fait déjà plusieurs années que des activistes mènent une entreprise de déstabilisation à l'encontre de Copagrène, visant à porter atteinte à son image, à ses activités et donc à ses adhérents et à ses salariés. Sa méthode est toujours la même. Entre faire des amalgames, entre différents dossiers, jouer sur le mensonge, l'exagération ou l'émotion et médiatiser les actions juridiques. Salariés et élus ont donc voulu affirmer en manifestant aujourd'hui que s'attaquer à une entreprise, c'est aussi s'attaquer à ses salariés, que leur engagement et leur souci du travail bien fait a permis de construire un groupe coopératif responsable, soucieux de ses pratiques, de la santé et de la sécurité au travail. Ce premier rassemblement est une première phase et on ajoute qu'il y en aura d'autres. Je n'ai jamais fréquenté d'école de journalisme, mais j'espère que la formation y est suffisamment rigoureuse pour qu'on y enseigne que le meilleur moyen, peut-être le seul, de comprendre une culture locale est de passer quelques soirées bien arrosées avec des autochtones. C'est vrai à l'autre bout du monde et c'est vrai ici. Faut dire qu'ici, c'est un peu le bout du monde. C'était un breton bretonnant de Bretagne, un grand gars taiseux. On avait dû lui dire qui j'étais, le travail que je faisais ici. Durant tout le dîner, il s'était méfié de moi. Il avait raison, sans doute. En tout cas, il avait ses raisons. Quand la dernière bouteille de vin fut vidée, on a commencé de continuer à boire plus consciencieusement du whisky local. Alors le taiseux a causé. Mon taux d'alcoolémie aidé à l'impression d'une expérience psychédélique. La voix singulière de cet homme, modifiée moins par un accent que par une structure mentale et grammaticale que je sentais profondément différente de la mienne, m'ouvrait l'accès à un monde parallèle, mystérieux et merveilleux. Ces histoires, quoique parfaitement contemporaines, étaient émaillées de toponymes celtes antédiluviens et d'expressions bretonnes dont la prononciation variée m'apprit-il d'une paroisse à l'autre. Le lendemain matin, je n'avais ramené qu'un seul souvenir de ce voyage linguistique. Mess. Un mot, ce n'est pas rien. C'est le début d'une histoire. Mess. Un seul mot pour désigner la honte et la graine du chêne, le gland dont raffolent les cochons. J'apprenais ainsi mon premier jeu de mots breton sous forme de proverbe. La honte, c'est bon pour les cochons. Mess, la honte enfermée dans une graine. On veut pas en parler, quoi. Et puis, mourir comme ça ici, ça se fait pas. Je ne sais pas si vous avez vu l'immeuble du Crédit Agricole à Gourin. C'est le plus grand immeuble de la ville, avec le centre Leclerc. En Bretagne, surtout en Bretagne centrale, on dit que les immeubles du Crédit Agricole ont remplacé les églises. Des fois, on dit même que le directeur du Crédit Agricole a remplacé le curé. Mais quand même, l'église ici, c'est encore quelque chose. C'est pour ça que mourir comme ça, c'est... c'est mal vu, quoi. Et puis je me disais, ça servira à rien. Ça me ramènera pas mon mari. D'habitude, quand il y a un mort, ils envoient un grand chef pour signer les papiers, tout ça. Ils sont toujours très gentils avec la veuve. Moi, rien. J'ai dû me battre. On a tout de suite compris que le combat serait difficile pour Edith. Rien que pour faire reconnaître la mort de son mari en accident professionnel. Il vous parlait de ses problèmes de santé ? Il était trop fier, Gwenaël. Et il avait peur de perdre son travail. Mais j'ai un collègue de mon mari, là, qui était chauffeur comme lui, et qui a eu des problèmes de santé aussi. Il me disait que pour lui, les symptômes, ils ont commencé par des maux de tête, des douleurs aux yeux, des brûlures. Cet homme-là, il a conduit comme ça pendant plusieurs mois. Il prenait jusqu'à 5 Nurofen par jour, il m'a dit. Des Nurofen 400. À la fin, ce collègue m'en racontait qu'il commençait à avoir des flashs, des coupures, un blanc, une reprise, et il savait pas ce qui s'était passé. Mais lui, au moins, il s'est arrêté à temps, alors que Gwenaël, il a tout gardé pour lui. Il a voulu aller jusqu'au bout. Il était chauffeur pour Copagren, votre mari, c'est ça ? Ouais. Livreur, sur les fermes. De l'aliment animal. Les collègues de Gwenaël me disaient que quand ils chargeaient les camions, il y avait tellement de poussière que ça rentrait dans les climatiseurs des cabines. Et ils respiraient ça à longueur de journée. C'est ça, ouais. C'était sûr que les problèmes, ça venait de tous ces produits-là, mais après, il faut le prouver. Tout le monde aux alentours nous a dit, votre mari, il a été empoisonné à la COP. Tout le monde me dit ça. Ça veut dire que c'est connu dans la région ? C'est connu de tous qu'à la COP, c'est un peu dangereux pour la santé ? Évidemment, oui. Les gens en parlent. Mais la COP, ils sont tellement forts. Ils font ce qu'ils veulent. Personne ne les contrôle, donc. Même pas les gendarmes. C'est-à-dire ? Gwenaël, il me disait. Même les gendarmes, ils ont ordre de jamais contrôler les camions de la coopérative. Les gendarmes ? Ah oui ? Oh, ça, moi, je le savais, parce que mon père était gendarme. Et déjà, à l'époque, ils n'avaient pas le droit de contrôler les camions de la coopérative. Quand ça s'appelait encore la coopérative de l'Ouest. Oui. S'il mettait un PV, mon père me disait qu'il se faisait engueuler par le commandant de gendarmerie. Je comprends pas. Les gendarmes, ils obéissent aux consignes des industriels ? C'est quand même des militaires. Vous savez, eux aussi, ils ont une hiérarchie. Ils reçoivent des consignes, ça redescend. Oui. Ils n'ont pas d'obligation d'obéir, évidemment. Ça se passe jamais comme ça. En Bretagne, si vous voulez faire une carrière administrative ou politique, il vaut mieux ne pas se fâcher avec les patrons de l'agroalimentaire. Les jeunes loups de la politique un peu excités qui veulent s'en prendre à l'industrie, ils font pas long feu ici, hein. Ah oui. Déjà, pour commencer, les industriels financent les partis politiques. Ils arrosent à droite et à gauche pour être sûrs de gagner à tous les coups. Avant qu'il y ait des règles, ils faisaient carrément des chèques. Maintenant, c'est un peu plus subtil. Ils donnent des consignes de dons au cadre de leurs entreprises, par exemple. Donc, ils veulent un droit de regard sur les investitures. Un candidat d'un parti, dit de gouvernement, hein, qui nuit trop à leurs intérêts, il n'a aucune chance d'avoir une circonscription. C'est comme ça que ça marche. Ah oui. Et c'est comme ça partout. Edith, raconte l'inspecteur du travail. Après le suicide de mon mari, j'ai eu un rendez-vous avec l'inspecteur du travail qui contrôlait Copagren. J'y suis allée avec mon frère. Oh, Serge était là aussi. Les yeux dans les yeux, l'inspecteur il m'a dit... Mme Le Goffic, je vais aller au bout de l'enquête. Il a changé de poste. Il attendait une promotion. Il m'a dit, vous avez ma parole. Je vous promets que j'irai jusqu'au bout. C'est trop grave ce qui se passe. Ça fait des années que dans cette entreprise, il y a des intoxications, des accidents à répétition. Mes recommandations, ils s'en fichent complètement. Cette fois, on ira au bout de l'enquête, vous avez ma parole. En fin de compte... En fin de compte, il a saboté l'enquête. Il n'a pas honoré sa parole. En tant que syndicaliste, j'avais eu affaire à lui à de multiples occasions. Donc, au début de l'entretien, je l'avais mis à l'aise tout de suite. Je sais que c'est difficile pour vous de travailler, je mesure bien la difficulté, je ne voudrais pas être à votre place. L'inspecteur qui contrôle Copagren, hein, étant donné le poids qu'ils ont en Bretagne, un inspecteur du travail, ça pèse pas lourd. Hein. S'il a le malheur d'aller emmerder les patrons, on lui trouve une place rapidement ailleurs. Il m'a juré ses grands dieux. Oh non, non, non, non. C'est ce qui s'est passé. Dans son rapport final, il a établi aucun lien entre le suicide de mon mari et son travail à l'entreprise. Il n'a pas auditionné les gens, certains collègues de Gwenaël qui voulaient bien parler, qu'on lui avait dit d'auditionner. Et moi, hein, ce que j'ai appris, C'est qu'entre-temps, cet inspecteur avait participé à une réunion de tous les inspecteurs du travail de toute la Bretagne. Et là, il s'est fait sonner les cloches par son patron régional, devant tous ses collègues et devant le préfet. Comme quoi, en gros, il fallait arrêter d'emmerder Copagrène. Et comme il attendait une promotion... Il n'y a que des anomalies dans ce dossier. En première instance, au tribunal des affaires sociales, on a découvert qu'un des assesseurs était adhérent de Copagrène. Il y avait un conflit d'intérêts évident. Il aurait jamais dû siéger. C'est pour ça que je fais appel avec Maître Laforge. Qu'est-ce que vous espérez obtenir cette fois ? La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et l'honneur de mon mari. Ils ont fait des choses. Ils ont dit que Gwenaël, il était alcoolique, des choses comme ça. Bon, je dis pas qu'il buvait jamais, mais... Ils ont même écrit dans leur journal que son père et son grand-père s'étaient aussi suicidés. Alors que son père est toujours vivant. Bonsoir Edith, Maître Laforge à l'appareil. Je viens de lire l'article que vous m'avez envoyé, il faut absolument demander un droit de réponse tout de suite. J'ai préparé un petit courrier, je vous le lis. Madame la directrice de publication, dans Copagrène Magazine numéro 20, vous avez publié un article intitulé « Rétablissons les faits concernant les salariés intoxiqués ». Nous qui sommes les victimes, premières concernées par votre article, nous tenons à réagir aux nombreuses approximations et affirmations mensongères qui donnent à vos lecteurs une idée assez éloignée de la vérité, de ce que nous sommes et des faits qui se sont produits. Nous estimant diffamés par les propos que vous tenez, nous demandons un droit de réponse dans votre prochaine parution de Copagrène Magazine. Veuillez agréer, Madame la directrice de publication, l'expression de nos sentiments distingués. Et ce sera signé par ordre alphabétique Christophe Guillou, Edith Le Goffic et Laurent Roussel. Je comprends pas ta réticence. Prends à gauche. C'est plus long, mais ça ira plus vite. Il y a des travaux sur le pont, ça va bouchonner. Mais réponds-moi, pourquoi t'es réticent ? Je suis pas réticent. Je pense que c'est pas la bonne stratégie pour Laurent. On a plein d'autres arguments pour le défendre. On va pas tout miser sur un témoignage d'un vétérinaire. Mais pas un témoignage, une confrontation, c'est la clé. Démontrer que le veto de Copagrène a délibérément menti à un agriculteur sur les produits livrés qui ont empoisonné ses vaches. C'est là la clé du dossier. La preuve, il veut pas parler. J'ai essayé 3 fois de l'appeler, ce Guibora. Tu l'as appelé ? J'ai essayé. Mais Inès... Faut bien qu'on ait son point de vue. Mais t'en as parlé à Maître Laforge avant ? Inès, est-ce que tu as demandé l'avis de l'avocate de Laurent avant d'appeler ce veto ? C'est pas vrai. Faut pas faire des trucs comme ça. Tu crois lui rendre service, mais c'est le genre d'initiative qui peuvent nuire à Laurent. Quoi ? C'est un élément clé dans sa défense et ça nuirait à Laurent qu'on creuse ça. Justement, c'est sûrement un élément clé dans l'enquête. Et toi, t'appelles le veto. J'ai essayé. Ça leur met la puce à l'oreille, Inès. Ils peuvent mieux anticiper leur défense. Ils peuvent préparer des faux documents. Mais sois pas parano non plus. Les analyses du labo, c'est les analyses du labo. Quoi ? Même Copagrène peut pas changer une analyse chimique. Les produits, ils sont dans le lait ou ils y sont pas, point. Pardon, Inès. T'as compris plein de trucs, mais je pense que tu mesures pas encore complètement comment ça se passe. Les labos des services vétérinaires sont censés être indépendants. Mais avec les nouveaux partenariats publics-privés qui ont été mis en place, les coopératives sont co-actionnaires des laboratoires. Eh oui, tu savais pas. Tu sais pas encore tout. Co-actionnaire et principal client. Mais il y aurait conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt. Allez, bienvenue en Bretagne. De là à faire des faux... T'as raison. Ils font pas des faux. Ils mentent par omission. Ils font des attestations à la demande des entreprises. Ils donnent une attestation de recherche de produits dans un aliment, mais ils répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Donc les analyses peuvent être nickel. Il suffit de pas chercher ce qu'on veut pas trouver. Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi j'étais... diabétique, mettons, je suis malade, je vais voir mon médecin, je lui demande des analyses de sang, il les fait, il mesure tout, sauf la glycémie, et il me dit tout va bien. Et ben voilà, là t'as tout compris, là. C'est à peu près ce qui se passe dans certains services vétérinaires de Bretagne. Et tout le monde le sait. Et personne ne dit rien. Non mais je commence à connaître la chanson. C'est pas possible que des scientifiques, parce que les vétérinaires c'est des scientifiques quand même, c'est pas possible que des gens de science soient dans le déni de la vérité, c'est le contraire de la science. Mais moi j'étais comme toi, on n'a pas un esprit tordu, nous. On n'imagine pas une seconde que c'est possible. On se dit, un laboratoire, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, et ils font leur travail sérieusement, d'une certaine manière. Mais eux aussi, ils sont sous pression. Voilà, Inès, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Le petit vétérinaire qui est venu assurer le service après-vente Copagrène, chez Laurent Roussel, C'est pas lui qu'il faut emmerder, parce qu'il pèse pas bien lourd. Mais peut-être que ça lui pèse, justement. Peut-être que ça lui pèse de mentir, peut-être qu'il aura envie de parler. Peut-être que quand il se lève le matin et qu'il se regarde dans la glace, il se dit que sa déontologie de veto devrait l'obliger à dire la vérité. Peut-être qu'il veut plus être complice. Parce qu'au niveau de sa conscience professionnelle, il sait très bien qu'il trahit. Il sait très bien qu'en étant veto chez Copagrène, il est pas libre. Oui, oui, il le sait. Et tu veux que je te dise ? Au fond, je le plains. Je le plains plus qu'autre chose, parce que il collabore avec le système. Hein. Mais c'est qu'un rouage. Votre article dans Copagrène Magazine numéro 20 contient des affirmations mensongères, pour lesquelles nous avons demandé ce droit de réponse. D'abord, vous parlez de situation humainement très difficile pour un ancien salarié suite à un accident du travail. Il s'agit en effet de M. Guillou. Mais c'est vous qui avez contribué très fortement à cette situation en ne tenant pas vos engagements à trouver une solution à l'amiable. Vous lui aviez promis la tenue d'une table ronde de négociation avant de revenir sur cet engagement. Vous dites avoir fait une proposition de reclassement pour M. Guillou. À même niveau de compétence, à salaire équivalent, dans un rayon de moins de 10 km de Ploumel. Or, les seuls postes que M. Guillou s'est vu proposer sont des postes administratifs, avec baisse de salaire, sur le site de Danguilec, à 90 km de Ploumel. Concernant Edith Legoffic, vous écrivez, je cite, « vous associez à la peine de la famille et des proches ». Edith Legoffic, après le suicide de son mari, n'a jamais reçu le moindre appel, le moindre message, la moindre aide de la part du management de Copagrène. Bien au contraire, il a fallu batailler pour comprendre ce qui a conduit son mari à ce geste, pour obtenir des témoignages contredisant les arguments de la MSA, qui refusait la reconnaissance du suicide en accident du travail. Vous parlez d'amalgame, et indiquez que le tribunal des affaires sociales ne fait pas état d'intoxication aux pesticides. Vous omettez d'indiquer que ledit tribunal a pourtant conclu que l'inquiétude de M. Legoffic quant à ses problèmes visuels et leur origine possible avec les produits manipulés est démontrée par le fait que M. Legoffic avait pris la précaution d'emporter chez lui une étiquette concernant la composition de l'aliment qu'il chargeait dans son camion. C'est sur le verso d'une étiquette similaire, du même produit, qu'il a laissé un mot d'adieu à sa femme. Sur le lieu même de son suicide, à l'intérieur de son camion. Nous pourrions prendre, point par point, plusieurs autres passages de votre article et démontrer, pour le moins, des inexactitudes et souvent des mensonges. Edith Legoffic, Christophe Guillou et Laurent Roussel. Ça tourne. Je suis avec Morgane Large dans la cuisine de sa ferme sur la commune de Ploumel, en Centre-Bretagne. Morgane est journaliste animatrice sur la radio locale, elle est aussi conseillère municipale d'opposition de la commune. C'est quoi le quotidien d'une journaliste dans une petite commune rurale et comment ça se passe un conseil municipal à Ploumel ? Alors Ploumel, c'est une très jolie commune du Centre-Bretagne. J'y vis, j'y travaille, j'ai élevé mes deux enfants qui sont grands maintenant et qui sont partis de la maison. J'habite toute seule dans ma ferme avec mes chevaux et mes vaches et mes poules et ma chienne Zouzou. Je travaille pour une radio locale, on a nos bureaux à Ploumel. On a trois émetteurs, Crèze-Brèze, ça veut dire Centre-Bretagne, Trégor et Mont-d'Arrée. Alors, on est six salariés et je suis la seule de mon équipe à travailler en langue française. Tous les collègues bossent en breton, que je parle aussi un peu, hein, que je comprends bien. Et ça m'aide bien sûr dans mon travail. Je connais bien le territoire, je connais bien les gens, je me déplace sur pratiquement toute la Bretagne où je fais des reportages, des interviews. Et puis j'ai une petite émission quotidienne où je relaie aussi les infos locales. Alors dans mes émissions, moi je m'intéresse régulièrement aux questions environnementales qui sont un sujet en Bretagne et ça me vaut régulièrement des petits problèmes, disons, avec les agriculteurs ou avec mes collègues. Alors comme je vais souvent dans les fermes et que je reviens avec mes chaussures dégueulasses, ils disent parfois pour rigoler, Morgane, elle ramène que de la merde et des emmerdes. Par exemple ? Exemple d'emmerde ? Le dernier truc en date, je publie une photo sur le compte Facebook de la radio d'un champ passé au Roundup. Le champ est carrément orange et surtout, les feuilles des arbres tout autour étaient oranges jusqu'à 2,50 m de hauteur. Donc là, c'est un problème quand même. Et donc le soir même, je suis ici, chez moi, il fait nuit, Un gars débarque avec son 4x4, il vient le coller à ma porte, il descend et il me dit « Voilà, je suis monsieur Intel, je suis pas d'accord, on reconnaît mon chant sur la photo, les gens vont parler de moi, etc. » Bon bah là on a parlé franchement, ça s'est bien fini ce soir-là, il a gueulé mais bon, il a pas eu de mauvais gestes. Mais bon, il était braqué quand même. Et... Bah, je suis une femme seule, sur une ferme, la nuit. Après je trouve que bon, dans ce métier c'est normal d'être interpellée. Nous aussi on doit rendre des comptes, mais voilà, moi je vis à l'endroit où je travaille, donc c'est compliqué. Des fois, on veut décrocher et on peut pas. Et vous êtes en plus conseillère municipale. Et je suis, par ailleurs, conseillère municipale de Ploumel, dans l'opposition. Alors, comment ça se passe, un conseil municipal à Ploumel? Il y a beaucoup d'agriculteurs au conseil municipal et ils ont tout intérêt à y être. Parmi les 12 élus de la majorité, il y a une bonne moitié qui sont des agriculteurs ou des retraités de l'agriculture. C'est des gros agriculteurs, évidemment, des gens qui ont la main sur les terres à Ploumel. Et le maire, lui-même, a un élevage intensif de poulets. Et quand ils sont pas agriculteurs, ils travaillent presque tous en lien avec le secteur, puisque notamment, par exemple, le premier adjoint, c'est le directeur du site Copagren de Ploumel. Yann Coisin. Yann Coisin, pour pas le nommer. Donc le conseil municipal, c'est une table en U. Le maire siège au centre de la table, qui relie les deux autres, avec les conseillers de la majorité d'un côté de la salle et les conseillers de l'opposition de l'autre côté. Alors parenthèse, plus on est entré tard dans le conseil municipal, plus on est loin du maire. C'est un petit privilège de pouvoir s'approcher du maire. C'est rigolo, non ? Alors moi, dès le premier conseil municipal, le maire nous a dit que l'opposition aurait le droit de s'exprimer dans les conseils, mais qu'on n'en tiendrait pas compte. Donc c'est clair, ça sert pratiquement à rien de siéger. Bon, après nous, dans l'opposition, on a surtout un déficit d'informations énorme. Par exemple, on a donc sur la commune un site Copagren classé Céveso 3, très dangereux, parce qu'il y a du stockage de produits phytosanitaires, des pesticides, des engrais. Et il y a des témoignages comme quoi il y aurait eu des déversements sauvages de produits toxiques dans le sol. Donc moi, j'aborde le sujet en conseil municipal, je dis « c'est quand même... Est-ce que nous, au conseil municipal, on n'est pas en charge de la santé des gens? Est-ce qu'on peut pas faire des études pour voir s'il reste des produits dans le sol, faire des carottages? Et là, le maire répond, c'est pas à l'ordre du jour. Point. Bah, évidemment, je reviens à la charge. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait l'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal? Et le maire me dit, vous pouvez proposer par courrier que ça apparaisse à l'ordre du jour, mais c'est moi qui détermine ce qu'il y a à l'ordre du jour ou pas. Voilà, rideau. Et c'est jamais revenu à l'ordre du jour? Bah, évidemment que non. Et c'est comme ça tout le temps. Voilà, donc disons que y a pas une réelle envie que ça change. Non, le but c'est que rien ne change. Et alors personne ne conteste. Moi, j'ouvre des grands yeux, je rentre chez moi, je m'énerve. Non, c'est dur de siéger au conseil municipal. C'est vraiment dur. Surtout pour une femme seule, parce que je suis costaud, mais la dernière fois, le conseil municipal se passe gentiment. Et puis à la sortie, on me dit Morgane, tu peux venir. Et là, le maire, le premier adjoint, presque toute la majorité, me tombe sur le râble et commence à m'engueuler. Et concrètement, physiquement, ils commencent à m'entourer. Je leur dis « Attendez, les mecs, je suis toute seule, vous êtes 7 ou 8. » Enfin, c'est quand même... J'ai beau être soliste, ouais, c'est un peu intimidant. Enfin, des fois, j'ai beau être solide... Tu veux qu'on arrête? Hein? Non. Pourquoi? Ça va pas ce que je raconte? Si, c'est... Mais... T'es sûre que je peux diffuser ça? Oui. Vu ce que tu me racontes, t'as pas peur des représailles? On verra bien. Mauvaise graine, de François Perrache. Troisième épisode, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Avec Claire Sermonne, Jade Labeste, Jean-Claude Leguet, Florence Pernel, Pauline Moulaine, Éric Savin, Claire Dumas, Régis Rommel, Françoise Gazio et Jean-Marc Michelangeli. Bruitage, Bertrand Amiel. Enregistrement, montage, mixage, Antoine Viossa, Élise Leu. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.